Voici Guillaume. C'est toi, Guy. Ça va les amigos? Yes. Ouais, ouais, ça va. On n'est pas sourds hein, non plus. Vous savez que Leïla Slimani et moi, on a genre des gros points communs, et pas que le Goncourt, que moi j'ai obtenu sous le pseudonyme de Michel Houellebecq. Quand vous avez jamais fait le rapprochement, vous avez jamais dit Ernesto et Michel Houellebecq, ils ont sensiblement les mêmes t-shirts. Ouais. Hein? Est-ce qu'on les a déjà vus ensemble dans la même pièce? Non, il ne fallait pas de Christophe Ondelat pour découvrir le poteau rose. Non, on a un autre point commun, Leïla et moi, c'est qu'on a exactement le même âge, vraiment. On est tous les deux nés le 3 octobre 1981. C'est dingue. Et moi précisément le 23 novembre. Ça s'est joué vraiment à que dalle. Autant et autant, Leïla, on sent qu'à notre âge. On sent qu'à notre âge, c'est quelqu'un qui peut faire un bilan en mode ça, c'est un vieux ça plan, va. C'est un vieux plan drague à deux balles. Leïla, on sent qu'à notre âge, c'est quelqu'un qui peut faire un bilan en mode ça va, j'ai fait des choses dans ma vie. Autant moi, tu te dis, bon, là, ce serait quand même pas mal qu'il se passe un truc. Hein, parce que chroniqueur dans la bande originale à 38 ans, on peut pas dire que je suis en train de me frayer un chemin vers les livres d'histoire. Hein. Clairement, on va pas se mentir, professionnellement, je suis un raté. Et encore, si j'avais une chouette vie personnelle, ça irait. Parfois, tu te dis, oui, j'ai joué dans Taxi 5, mais j'ai des enfants formidables, ça compense, tu vois. Mais moi-même pas. Je garde confiance en l'avenir, parce que j'ai lu un article hier qui parlait de l'âge de la vie où on serait le plus heureux. Alors, c'est quoi? Moi, intuitivement, je me disais 20 ans, parce que 20 ans, c'est l'âge où je pouvais encore refaire l'amour directement après avoir joui. Aujourd'hui, quand une femme me dit, j'ai encore envie, je lui dis, t'inquiète pas, on va le refaire, laisse-moi juste une petite semaine. Hein. Sinon, on peut toujours utiliser l'appel à un ami. Mais. Eh bien, d'après une étude très sérieuse menée par un neuroscientifique canadien, l'âge où on serait le plus heureux attends, dans la vie. Attends, on peut deviner ou pas? Ouais, allez, vas-y. C'est pas pareil, j'imagine, homme-femme, non? Parce que je crois que. Attends, c'est... si c'est pour niquer ma chronique, ouais. Nagui, alors vas-y. Non, hein. Non je. Passer 35, je crois que c'est 35 pour les hommes 35, 40. Et 45 40, pour les femmes. Ouais, ouais. T'as vu le papier ou pas? C'est tardif. Ouais, je suis au courant. Moi. Ah, vous direz combien? Moi, je dirais 40. Ouais. 40, Albert? 69. Non, moi, je dis 35 pour les hommes, 45 pour les femmes. Ok. Eh bien, d'après une étude très sérieuse menée par un neuroscientifique canadien, l'âge où on serait le plus heureux dans la vie, ce serait 82 ans. Mais non. Mais franchement. Enfin, un homme qui dit la vérité. Mais franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. En tout cas, pour les gens à qui ça va arriver, d'avoir 82 ans, hein, clairement. Moi, j'estime à une chance sur 117 millions la probabilité que j'atteigne un jour cet âge-là, clairement. Ça arrive qu'aux gens sains d'arriver à 82 ans. Regardez-vous, Nagui, par exemple. 82 ans, c'était l'époque de la brosse à dents. Ça se voyait que vous étiez épanoui. Je suis là, tiens, un voyage pour toi. Non, un voyage pour toi. Ça, c'est les gens heureux qui offrent des voyages. Moi, je serais bien. C'est mort avant mes 82 ans. Moi, je suis encore rentré à 7h30 du matin ce week-end, torché comme un article de 20minutes.fr. Là. Tout ça pour dormir seul. Quand tu déploies autant d'efforts pour Ken et que tu finis tout seul à espérer qu'il y ait une scène de sexe dans Télématin, c'est que tu vas pas atteindre les 82 ans. Je te le dis en plus. Pour le coup, je me mets objectivement en danger de mort. Moi, je suis obligé de venir bosser ici, dans un pays qui est rongé par le coronavirus. Hein, alors qu'à la maison en Belgique, on a très peu de cas, grâce, je le rappelle, à notre très belle prestation en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Pas, quel rapport. On peut reprocher ce qu'on veut à ce virus, mais c'est quelqu'un qui aime bien le jeu offensif. C'est vrai. Regardez les pays les plus touchés, l'Italie, la France, que des équipes qui bétonnent. Voilà. L'OMS est très clair dans ses recommandations, lavez-vous les mains et jouez en 3-4-3. Voilà donc. Si à ça t'ajoutes la pollution atmosphérique qui réduirait 3 ans l'espérance de vie moyenne dans le monde, tu te dis que j'ai peu de chance d'arriver à 82 ans un jour. Âge, 82 ans, ou si t'es en bonne santé et que t'as pas violé trop de monde dans ta vie, tu serais au maximum de ta sérénité. C'est vrai, regardez Albert Jacquard par exemple, qui disait à 50 ans, je pensais qu'au poker et aux poppers. Eh bien à 82, j'avais compris qu'une bonne bergamote et un épisode d'affaires conclu, un pledge. Et on est bien, c'est vrai, d'après l'étude, à 82 ans, on a du recul, on a réévalué ses attentes, on est au max de son expérience, de son savoir, on est beaucoup plus empathique. Hein, qu'avant, regardez Daniel Morin, quand il aura 82 ans, il fera plus des piques méchantes tout le temps sur ses collègues pour souligner leurs défauts. Hein. Non, il viendra plus fiévreux comme ça, essayer de transmettre des maladies à ses collègues à côté. Non, il viendra en mode comment ça va la famille? J'ai ramené des chouquettes, quelqu'un veut un bisou. Voilà, et nous on sera là, mais nerf, ferme-la, sois toi-même. C'est comme ça qu'on t'aime, sois comme avant, hein, dis des choses méchantes. A contrario, l'âge où on serait le plus malheureux, c'est 48 ans. Fait 48 ans. Ah. Donc voilà, il me reste 10 ans pour tout rater. Après, ce sera la plongée vers le bonheur. Et je vous raconterai. Bonne merci émission, les amis. Bien, oui.